Chapitre 10e. Jésus a-t-il célébré la Pâque, la veille de sa mort? On ne le saura jamais, vu le désaccord des évangiles. Ce qui paraît établi, c'est que dans un dernier repas avec ses apôtres, il aurait institué une sorte de banquet commémoratif dont l'Église romaine a fait le dogme monstrueux de la transsubstantiation. On sait en quoi il consiste. Les fidèles avaient, sous forme de pain sans levain, le propre corps de leur Dieu qui passe nécessairement par toutes les phases de la digestion. D'ailleurs, comme s'il eût prévu cette extension extraordinaire d'un acte si simple et des paroles qui l'accompagnent, Jésus a pris soin d'en expliquer le sens figuratif, symbolique, car il ajoute « c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien ». Jésus passe les dernières heures qu'il a à vivre dans des alternatives de défaillance et de courage. Il paye, comme tout homme, son tribut à l'instinct de la conservation. L'agonie du jardin des Oliviers, racontée par les évangélistes et où se heurtent le faux et le vrai, dépeint ce combat entre l'esprit et la chair. Jésus, qui se sait perdu, pleure sur lui-même pendant que ses apôtres dorment. On pourrait se demander alors comment les rédacteurs des évangiles sont si bien instruits.